commander en ligne, mais faire vivre le commerce en vrai. C'est possible. Et ça s'appelle épicerie.com, avec un Y. La nouvelle application qui soutient les commerces et restaurants de proximité en vous livrant le meilleur de leurs produits dans l'heure. Commandez dès aujourd'hui auprès de vos commerçants lyonnais. Épicerie, vive le commerce vivant! Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, un renard, un corbeau et des rumeurs, l'étonnante histoire du renard de Kerlouan. C'est une étrange affaire qui a secoué cette localité bretonne pendant près de 20 ans. Entre les années 80 et les années 2000, dans cette petite commune du littoral nord du Finistère, un mystérieux individu sème la zizanie. Bateau saboté, filet de pêche saccagé, casier détruit, hangar incendié. Les pêcheurs et les plaisanciers sont attaqués sans relâche par un malfaiteur qu'ils affublent de ce surnom, le renard de Kerlouan. Une créature rusée, mesquine, insaisissable. Kerlouan est un petit monde où tout le monde se connaît, parfois depuis plusieurs générations. Et si les gendarmes ont le plus de mal à débusquer le renard, les Kerlouanaises et les Kerlouanais, eux, sont certains de savoir qui il est. Dans ce huis clos breton, les rumeurs courent, un homme est accusé, la situation dégénère et ressurgissent alors du passé de vieilles rancœurs et des jalousies jamais digérées. Notre invité aujourd'hui, Jean Fayer, écrivain breton, auteur du roman intitulé « Le renard des grèves », publié en deux tomes en 2003. Affaires sensibles, une émission de France Inter, diffusée en direct, récit documentaire Romain Weber, coordination Christophe Barrère, réalisation Marion Lelay. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. C'est vrai que dans cette commune, depuis 40 ans que le premier bateau a été coulé. Dernièrement, quand je discutais avec un propriétaire qui a eu 5 fois son bateau soit coulé, soit saboté, et qui me disait, chaque fois, Albert, qu'il y a une tempête, je ne dors pas. Et toute la nuit, dans son lit, il est cloué, il peut même pas se lever avec la peur. Et il se dit toute la nuit, il est là, il est en train de foutre le feu à mon hangar, il est en train de faire ceci, il est en train de faire ça. Mais c'est terrible, terrible. Et je ne peux pas comprendre comment pendant 40 ans on a pu laisser une personne faire ce qui lui semble bon. Mardi 25 juin 2002, commune de Kerlouan, Finistère Nord, comme le confie ce témoin, habitant de la localité, la nuit est noire et la mer est basse en cette soirée. Sur la plage de Ménéam, à peine discerne-t-on le blanc de la coque des bateaux plantés dans le sable, retenus par des amarres en attendant que la mer remonte. De gros paquets d'algues noires exhalent une odeur dérangeante. Et on n'entend rien de plus que les vagues au loin. Le vent soulevait le sable de la dune et, si l'on tend bien l'oreille, un bruit de pas sur le sable. Quelqu'un approche. Une femme, un homme, on ne sait pas. L'obscurité nous empêche de voir son visage. Mais cette personne tient quelque chose dans ses mains. Dans la droite, un outil avec une pointe en métal, une perceuse à manivelle, ce qu'on appelle une chignole, et dans la gauche, une pioche. L'individu semble aux aguets. Il s'arrête, jette des regards furtifs derrière son épaule et tout autour de lui, puis il reprend sa route et s'approche d'un bateau. Il s'accroupit, il place la pointe de la chignole sous la ligne de flottaison et il tourne la manivelle. Vient alors s'ajouter au bruit des vagues, du vent, celui d'une mèche en métal qui s'enfonce dans le bois, puis celui de quelques coups de pioche qui finissent de percer la coque. Et une fois le méfait accompli, c'est au tour d'un autre bateau. Sa besogne terminée, le malfaiteur remonte la plage, la pioche sur l'épaule, et il disparaît dans la nuit. Ses traces de pas seront effacées par la mer, qui en remontant, engloutira aussi les deux bateaux trouvés. Cela faisait 2 ans que ça n'était plus arrivé, que Kerlouan avait retrouvé la paix. Car avant cela, un mystérieux individu avait coulé les bateaux pendant près de 15 ans, puis s'était arrêté. Et voilà que des amarres sont à nouveau tranchées à la hache, que des bateaux sont à nouveau coulés. Un hangar a même été incendié. Alors, la peur est de retour. Celui qu'on appelle Renard de Kerlouan recommence à frapper. Les gens d'ici sont des taiseux. On a peur, on sent que c'est une région contractée sur elle-même. Les gens sont recroquevillés un petit peu. Ils n'osent pas parler de cette affaire-là. Ils sont un peu à l'image de ce pays qui est dur aussi et qui est beau en même temps. On appelle ça la côte des légendes. Kerlouan, c'est un endroit magique. Et Menaham, c'est un endroit magique. Quand on va sur les vieilles pierres, là, quand on regarde les maisons, en se disant qu'il n'y a pas si longtemps encore, les goémoniers étaient là-dedans et qui tiraient leur pitance de la mer et ils guettaient les bateaux qui coulaient pour eux. C'est vraiment un endroit qui a une âme, hein, vraiment. Jean Fayer, que vous venez d'entendre, est écrivain, mais il est surtout breton. Et il écrit les aventures de son personnage fétiche, une jeune détective du commissariat de Quimper, du nom de Marie Lester, qu'il envoie dans toute la Bretagne pour élucider les affaires les plus énigmatiques. Alors quand l'écrivain entend parler de l'affaire du renard de Kerlouan, il n'hésite pas. Il met Marie Lester sur le coup et se rend sur place pour se rendre compte lui-même de cet endroit qu'on appelle la Côte des Légendes, la bien nommée. Au nord de Brest, face à la Manche, s'étire une bande d'une quarantaine de kilomètres façonnée par les tempêtes, un chapelet de criques et d'îlots qui se succèdent entre le phare de l'île Vierge, à l'ouest, et le phare du Pontival, à l'est. Devant ces rivages, des centaines de récifs acérés se cachent sous la surface de l'eau et sortent à marée basse, déchirant les coques des navires imprudents. Sur ce bout de côte, chaque rocher, chaque récif, chaque plage a son histoire, sa légende. Et au cœur de cette région, sur une petite corniche de terre qui s'enfonce dans la mer, il y a un hameau qui s'appelle Menaham. On y trouve d'énormes blocs de granit, entre lesquels se sont nichés de longues barques en pierre. Devant, la mer. Derrière, les champs. Rien d'autre. C'est dans ce décor, à quelques kilomètres du bourg de Kerlouan, que vivait une population aujourd'hui quasiment disparue, qu'on appelait les Pagans. Des femmes et des hommes à la vie rude, vivant du goémon, les algues que l'océan leur fournissait, qu'ils récoltaient laborieusement dans les vagues avec de grands râteaux. Des paysans de la mer, quoi, qui traînaient une réputation sinistre. Voilà ce qu'un écrivain breton disait d'eux à la fin du 19e siècle. Les Pagans sont habitués, dès l'enfance, à regarder l'océan comme leur tributaire, comme une vache qui aurait mis bas pour eux, disent-ils dans leur énergique langage. Mais ils sont loin de comprendre l'atrocité de leurs coutumes. À la vue d'un navire en détresse, la plage se couvre de pirates improvisés, désertant, dans l'espoir du pillage, la ferme, la charrue, l'église même. Et si le navire, ballotté de vague en vague, vient à se briser sur ces récifs qui lui servent de lit funèbre, le rivage offre la triste ressemblance de ces champs de mort où se précipitent, après la bataille, les animaux carnassiers. Dispersés sur les rochers les plus avancés dans les flots, ils ne songent, avec leurs longues perches armées de crocs, qu'à tirer à sec ces barils, ces caisses, ces ballots que leur envoie la tempête. Et chaque épave qu'ils parviennent à haler à terre est accueilli par des trépignements de joie. Les Pagans, dit-on, ont été jusqu'au début du XXe siècle des pires d'épaves, pires même, des naufrageurs qui leurraient les marins en accrochant la nuit des lanternes aux cornes de leurs vaches pour que les navires viennent se briser sur la côte. C'est que les Pagans sont terriblement pauvres et que le vent là-bas est trop fort pour que les arbres poussent. Alors il faut trouver du bois autre part et de quoi vivre. On aurait même vu des Pagans arracher les doigts des morts avec leurs dents pour leur voler leurs bagues. Ces hommes, disent les légendes, ne sont pas que des paysans de la mer, ils sont aussi des pirates de la terre. Mais à Menaham, au fil du temps, les maisons se sont vidées. Les paysans, les uns après les autres, ont quitté cette vie de misère. Ou alors ils sont morts, là où ils sont nés. Le bistrot a fermé en 1976. Le four à pain s'est encrassé, les toits se sont effondrés. Nous sommes maintenant au début des années 2000, et la capitale du pays Pagan n'est plus qu'une poignée de maisons en ruine. Pourtant, sur la plage, à l'abri de la marée, il y a encore quelques grandes mottes de goémons humides. Mais qui peut donc encore le récolter? Ce village fantôme serait-il encore habité? En y regardant de plus près, à Ménéam, il y a une maison là, qui n'a pas perdu son toit. Et de sa cheminée sort encore de la fumée. Alors oui, il reste un habitant dans les vestiges du pays pagan. Il a 65 ans, il mesure 1m90, il a les yeux bleus, les épaules larges, des favoris et les cheveux qui lui tombent sur les épaules. À Kerlouan, tout le monde le connaît, c'est Job Salou, le dernier des pagans. François Bretagne lui consacre un documentaire en juin 2001. Dans le temps, on restait des heures et des heures à marée montante à scruter l'horizon pour voir s'il n'y avait pas des planches qui arrivaient qui pouvaient nous être utiles. Là, on attendait. Il y avait un ici, un dans les rochers là-bas. Il y avait un peu partout. Tous les gens du village, ils étaient là, ils regardaient. Ils attendaient que quelque chose arrive. Et dès qu'il y avait quelque chose arrivé, on était à plusieurs dessus, on se partageait. Si c'est une grande planche, on la coupe en morceaux, on se la partage. Job Salou est né à Ménéam, comme ses parents et comme ses grands-parents. Et tant pis si les autres sont partis, lui le reste. Il tient bout de bras le mode de vie des anciens. « Je suis une légende vivante », dit-il, modeste. Dans son jardin, devant la maison qu'il partageait avec ses parents, il garde tout ce que la mère veut bien relâcher. Une vieille planche en bois, elle soutiendra sa grange et lui donnera des clous. Des bouts de cordage abîmés, figurez-vous qu'il brûle mieux qu'une bûche. Des casiers de pêche déchirés, il les démontera quand les siens auront cassé. Ça ne vous étonnera pas, Job Salou est marin-pêcheur. Tous les matins, il part en mer avec ses filets et ses casiers. Et son expérience est inégalable. C'est celle des pagans qui connaissent si bien cette mer-là. Il ne sait pas nager, mais non. Mais il sait pêcher, et il sait où pêcher, et il sait comment pêcher. Quand il remonte ses filets, c'est avec des barres à l'intérieur, au lieu et de la sole. Dans ses casiers, il attrape des homards et des araignées de mer. Mais moins qu'avant, cela dit. Dans le temps, on remontait 5 ou 6 homards par casier et des langoustes. Mais aujourd'hui, s'il en trouve 1 ou 2 des homards, il est content. Et le banc de langoustes, lui, est carrément décimé. La mer est grande, mais elle se vide. Telle est la volonté de l'homme, l'espèce du vivant la plus dégénérée, qui n'a pas trouvé mieux que de détruire son propre environnement. Alors, à Kerlouan, il n'y a plus qu'une poignée de marins-pêcheurs qui se disputent un territoire sans beaucoup de poissons. Donc, concurrence. Et même si la mer est à tout le monde, les marins la récoltent comme une parcelle de terre. Chacun son bout de mer, chacun ses coins à homards et ses eaux poissonneuses, et gare aux pêcheurs qui vadrouilleraient sur le pain de mer d'un autre. Parmi les autres pêcheurs, voici Gildas Larsonneur. Lui a 38 ans, 32 moins que Job Salou, et il a été son apprenti. Lui n'est pas un descendant des pagans, c'est un nouveau venu dans la région. Et le mercredi 26 juin 2002, à 4h30 du matin, comme tous les matins, il part en direction de la plage de Ménéam au volant de son tracteur pour rejoindre son bateau. Mais quand il arrive sur la grève, stupeur, comme il en témoigne pour l'émission Thalassa sur France 3. Je suis arrivé le matin avec Olivier, le matelot, là, puis bon, on arrive sur la cale et le tracteur était de bonne heure. Ici, il n'y a plus de bateau. Et puis en regardant, c'était l'obscurité, mais ici, il est au fond, on voit le radar, puis après on voit les nappes de gasoil sortir. Mais il n'y a pas que le mien, il y avait encore un autre bateau coulé aussi. Bon, ben, c'est bon. Lorsque la mer est descendue assez bas, on a vu qu'il y avait 3 trous de chignol dans le bateau. Et voilà, quelqu'un est passé avant lui quelques heures plus tôt, à la faveur de la nuit, avec une chignole et une pioche. Et il a percé le bateau de Gildas Larsonneur, tout comme celui d'un autre pêcheur. 5 jours plus tôt, c'est le casier de Job Salou, c'est-à-dire son bateau à casier, qui a été coulé, avec le même procédé. Une méthode bien trop connue des habitants de Kerlouan, car voilà 17 ans que ça dure. Tout a commencé en effet en 1986. Et depuis, en 16 ans, près de 70 bateaux ont été coulés. Tous ont été retrouvés avec des coups de pioche et des trous de chignol, ou fracassés sur la côte après que leurs amarres ont été rompues. Et on ne compte plus les filets de pêche lacérés, les casiers détruits, les moteurs sabotés. Et ce n'est pas que le matériel des pêcheurs, non. Les plaisanciers, eux non plus, ne sont pas épargnés. Le local du club de plongée a été ainsi incendié et même le Zodiac des secours en mer y est passé. Oui, un coup de canif dans le pneumatique. Entre 1986 et 2002, la gendarmerie de Lesnevin, la ville la plus proche, a été saisie de 55 plaintes du même ordre. C'est clair, il y a Kerlouan, un malfaiteur qui s'attaque aux marins. Bien. Enfin, si je puis dire. Mais qui? À défaut d'avoir son nom, les habitants lui ont donné un surnom, le renard de Kerlouan. Et ils sont certains d'une chose, c'est un gars du coin, une sorte de malade qui est persuadé que la mer lui appartient. Comme le suggèrent le Kerlouan et Albert Lemen devant les caméras de Thalassa. Vous voyez un peu l'état des lieux. Comment vous voulez-vous vous en sortir si vous ne connaissez pas les lieux? Donc moi je dis que la personne n'est pas très loin d'ici. Je ne sais pas d'où, je ne la connais pas, parce que je ne suis jamais tombé dessus. Mais quelqu'un qui vient de l'extérieur, il va se noyer là. Quelqu'un qui ne connaît pas la côte, ce n'est pas possible. Donc moi je suis persuadé que le renard il n'est pas très loin de son terrier. Kerlouan était une petite commune paisible, mais le calme est perturbé par le renard, c'est le moins qu'on puisse dire. En pays pagan, les criques de mouillage ne manquent pas, et partout, sur la plage de Boutrouille, sur celle de Roquelaguerre, de Nodevin et de Porcepol, partout, les marins retrouvent au petit matin leurs bateaux abîmés ou leur matériel détruit. Le renard agit tout particulièrement les nuits de tempête et les nuits de pleine lune, là où la marée est la plus forte. Alors, ces nuits-là, les marins dorment moins bien que les autres et certains se postent sur la dune, au-dessus de la plage, à l'affût du renard, que personne n'a jamais vu. Mais à Kerlouan, les habitants, et en particulier les plaisanciers et les pêcheurs, en sont certains. Le renard, disent-ils, tout le monde sait qui c'est. Il n'y a qu'un terrier, ça fait 40 ans que ça dure. Et on se souvient que le renard, ou le louarn, comme on dit en breton, a commencé ses méfaits dans les années 80. Certains disent que c'était une dispute de famille, un problème d'héritage. Mais en réalité, à l'origine de cette mystérieuse série de vandalisme, il y a une querelle entre pêcheurs, que le procureur de la République de Brest, François Nicot, raconte à Christophe Deleu et Yvon Croisier pour l'émission Le Vif du Sujet sur France Culture. Ce sont deux personnes qui, au départ, travaillaient ensemble. C'est un marin-pêcheur qui en emploie un autre à titre de salarié. Ils s'entendent, ils vont pêcher ensemble. Et puis, bon, il y a une querelle comme les querelles peuvent exister. Et puis, cette querelle va s'envenimer, va s'exaspérer pour des raisons diverses. Et puis, on a peut-être perdu la mémoire, d'ailleurs, du pourquoi des choses. Des voies de fait ou des infractions contre les biens, on est passé à des infractions contre les personnes, ce qui est beaucoup plus grave. Et on en est là parce que il n'y a jamais de témoin direct, jamais de preuves matérielles suffisantes pour emporter la conviction des juges. Deux personnes qui travaillent ensemble, deux pêcheurs parmi les rares qui restent à Kerlouan. Ils ne sont pas difficiles à identifier. Ce sont Job Salou et Gildas Larsonneur. Soit le dernier n'est pas grand et le nouveau venu. Le premier a formé le second à la pêche, le second a quitté le premier pour se mettre à son compte après une dispute, et les deux se sont fait couler leur bateau. Mais pour Gildas Larsonneur, pas de doute. Le renard mesure 1m90, il a les yeux bleus et les cheveux longs. C'est Job Salou. Et mer à rin en neige ou glace, à vous scandine en aisen, à fule nous à en arglise, par à den en dosen. Que mer à rin en neige ou cam, à yudin ars parfel, à scler rigen vous à l'argan, Aves di Roland Aves, que mer a rin a neix ou cus, sans din a fouer l'irzin. A var began to en ou rus, moge du gwen ar frim. Que mer a rin a neix ou or, gand din eon ar steren. Hagen a vous plan miséré, pagadou a la bousselle. France Inter, affaires sensibles. Et en fait, c'est facile pour les gens de dire « Oh bah oui, c'est Joe Salou, il est différent, il veut la mer pour lui tout seul. » On ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pourquoi. Mais ça arrange tout le monde qu'ils aient enfin trouvé un coupable. Et voilà, donc c'est Joe Salou. Je vous dis maintenant, dès qu'il se passe n'importe quoi, c'est Joe Salou. Il y a des voitures qui ont été rayées sur la plage à la grève. On ne sait pas par qui, ça peut être des enfants qui se sont amusés, mais non, c'est Joe Salou, et hop, on va à la gendarmerie, et c'est encore Joe Salou. Mais c'est facile maintenant, c'est Joe Salou. Alors, Job Salou est-il le renard de Kerlouan ? Face à cette accusation, Elisabeth Salou, sa femme, qui l'appelle Joe, vous venez de l'entendre, est très remontée, pensez-vous. Dans l'esprit des gens, Job Salou, c'est le dernier des pagans. Ses ancêtres étaient des pilleurs d'épave, donc... Ce marginal grande gueule qui vit seul dans son village doit être lui aussi un pilleur d'épave. C'est tellement clair. Sauf que pour Job Salou, le renard ne peut pas être un marin. Parce qu'un marin ne détruit pas des bateaux. Ça paraît logique. Et comment expliquer que lui aussi a été victime du renard? On a incendié son hangar une nuit à 3h du matin. On a coulé son bateau. Et pas qu'une fois. 3. Lui aussi est donc une victime. Alors il ne peut pas être coupable. À moins qu'il soit mazo. Ou particulièrement Béranger. Jusqu'où ira-t-on comme ça contre Job Salou? On le fusille du regard dans la rue, on le menace, c'est lui qui le dit, avec un couteau pour l'intimider. Et il était frappé à coups de latte de quasi à crevette un matin alors qu'il se promenait sur la côte. Le mariage de Job et d'Elisabeth, quelques années plus tôt, avait déjà été perturbé. À la sortie de la mairie, alors que les deux époux traversaient la route, un motard avait surgi et balancé un seau de peinture noire en visant la mariée. Il avait raté sa cible et aspergé les invités à la place. Mais l'intention était claire. Il faut dire que Job Salou provoque de la jalousie depuis de nombreuses années. Parce que quoi qu'on en dise, le dernier des pagans est un pêcheur hors pair. Après son service militaire, de retour de la guerre d'Indochine, il est revenu au pays et s'est acheté une combinaison de plongée. Parce qu'il avait une idée. Marre des homards, des langoustes et des sols que les pêcheurs se tuent à sortir de l'eau qui ne leur rapporte rien. Au fond de la mer, il y a des trésors que les gourmets s'arrachent. Des petits coquillages nacrés en forme d'oreilles qui s'appellent des ormeaux, qui sont un délice en persillade et qui, en une heure de pêche, rapportent plus que toute une semaine de homards. Avec ces ormeaux, Job Salou s'est donc enrichi sous le nez des autres pêcheurs. Il s'est acheté un terrain, s'est fait construire une maison, s'est acheté un autre bateau et s'est attiré la jalousie des autres qui lui ont collé une réputation. Job Salou est un brigand. avec ses rancœurs qui courent depuis des années et l'affaire du renard dans laquelle il est accusé, sa femme a maintenant peur pour sa vie. Oui, elle s'en explique sur France Culture. Alors là, l'angoisse habituelle tous les matins de se dire « Est-ce que le bateau est encore là ?» Bon, alors quand le bateau est encore là, encore quelque chose de bon. Ensuite, ben, c'est d'accompagner mon mari à la grève pour éviter qu'il se fasse agresser. Donc après, j'ai l'esprit tranquille toute la journée jusqu'à ce qu'il rentre de mer où je vais de nouveau le rechercher pour éviter qu'il fasse des mauvaises rencontres comme il en a déjà fait par le passé. Et voilà, et c'est notre vie quotidienne tous les jours où moi j'avoue que quand je ne suis pas là, où je dois m'absenter, j'ai peur qu'on tue mon mari. Je le dis franchement, je n'ai pas peur des mots. Je trouve que mon mari est en danger. Mon mari est en danger de mort. Avril 2000, Kerlouan. Un bateau, encore un, a été retrouvé au fond de l'eau. C'est la 50e plainte déposée à la gendarmerie. Alors les pêcheurs et les plaisanciers, excédés, décident de faire face et se regroupent en association. Ils créent l'APPP, l'Association des pêcheurs plaisanciers du pays Pagan, 4P. 153 membres sur 2500 habitants. Des retraités de la marine, des anciens pêcheurs pour la plupart, qui partent encore en mer attraper leur dîner. Chaque fois, on se sent encore plus impuissant, explique son président. Ça finira mal. Une nuit, un pauvre gars ira pêcher la crevette trop près des bateaux et prendra un coup de fusil par erreur. Les victimes s'organisent. La nuit, elles lancent des opérations de surveillance des zones de mouillage. Elles campent, discrètes, aux abords des plages, et attendent. Certains même se sont achetés des lunettes infrarouges. Mais rien. Le renard ne se fait pas prendre. Jamais. À l'exception d'une nuit. Mais à quand remonte cette nuit? Et où se passe la scène? En vérité, on ne sait pas. Et pour cause, cette histoire n'est qu'une rumeur. Mais une rumeur que tout Kerlouan raconte. C'était par une nuit de gros temps, une soirée où les vagues et le vent faisaient un vacarme qui empêchait les gens de dormir. Parmi eux, une vieille dame qui habite sur la côte finit par se résigner à son insomnie et décide de sortir regarder la mer depuis la dune qui surplombe l'une des plages. Elle regarde les vagues et les bateaux en mouillage devant elle. Quand soudain, son regard est attiré par quelque chose. Un homme, poignard à la main, est en train de s'attaquer à un zodiaque. La vieille dame n'en revient pas. Elle prend peur, elle part en courant. Mais l'homme s'aperçoit qu'elle l'a vu, il la rattrape. Puis, effrayant, il met la lame de son poignard sur la bouche de la dame et le fait lentement passer sur sa gorge. « Si tu parles, semble-t-il lui dire sans un mot, je te tue. » Et cet homme, c'était Job Salou. Voilà ce que dit le bruit qui court. Mais malgré cette violence qui s'aggrave, malgré les dizaines de plaintes déposées, la gendarmerie n'est toujours pas parvenue à attraper le renard, alors que tout le monde est certain de le connaître. Et la rumeur, encore elle, avance une explication sur cette impuissance, comme en témoigne l'habitant Albert Lemaine dans l'émission Le Vif du Sujet. Il y avait une relation d'amitié entre le gendarme et une certaine personne de la commune. Celui qu'on appelle le renard. Même d'après les rumeurs, ces gendarmes étant en tournée avec la voiture de fonction, arrivaient chez cette personne et les femmes les attendaient à l'intérieur de la maison. D'après d'autres rumeurs... Ça veut dire quoi? Ça veut dire, apparemment, il y avait des partous entre les gendarmes, et puis bon... Et cette personne qui, en effet, avait une réputation d'être assez chaud la place. Du côté des légendes, de côte des légendes, à côte des fantasmes, il n'y a qu'un pas, la preuve. Le renard soudoirait les gendarmes dans des parties fines. Il menacerait de mort les habitants et il saboterait des dizaines de bateaux en toute impunité. Des rumeurs qui ont de quoi effrayer le bon peuple. Et c'est ainsi que le pays pagan sombre dans l'omerta. Car qui sait ce qui pourrait arriver si on dénonçait Job Salou aux gendarmes qu'il a prétendument corrompu? Je suis le seul à parler, s'agace Gildas Larsonneur, l'ancien apprenti de Job. Il y a un gars qui pourrit la vie de tout le monde et je suis le seul à me rebiffer, dit-il. Parce que Kerlouan a peur de Job. Et Job a peur de Kerlouan. L'affaire est peut-être née de la querelle entre Gildas Larsonneur et lui, mais elle a dégénéré. Chaque violence en entraîne une autre. Désormais, l'affaire s'auto-nourrit. Omerta, Vendetta, Kerlouan, ce n'est plus la Bretagne, non. Pour l'avocat de Jobsalou et sa femme, c'est la Corse sans le soleil. Tout comme d'ailleurs pour Albert Lemen. Je suis pratiquement trop sûr que si on n'aboutit pas dans cette enquête, je crains que ça va devenir le petit panin de Corse. Et je sais que il y a énormément d'armes. Et c'est vrai qu'il y a des dizaines, je ne peux pas dire même une bonne centaine de personnes qui m'ont prévenu. Albert, il va t'arriver des tuiles, c'est le gars qui n'a jamais loupé sa proie. Alors, je l'ai dit sur une chaîne nationale et je lui répète, ne viens pas la nuit dans ma propriété, renard, parce que mon fusil t'attend. Mardi 2 juillet 2002, Kerlouan. Gildas Larsonneur ne perd pas pêché. On a coulé son bateau une semaine plus tôt et il est encore en réparation. Jobsalou, lui non plus, ne prend pas la mer. Son embarcation a été sabotée une douzaine de jours plus tôt, précisément le jour où 10 autres propriétaires de bateaux de Kerlouan, dont Gildas Larsonneur, ont reçu les premières lettres anonymes. Oui, car il y avait un renard à Kerlouan, il fallait bien un corbeau en plus. Elles sont dans des enveloppes, ces lettres envoyées par la poste. Elles sont écrites d'une étrange manière. Chaque caractère est tracé en majuscule à travers un normographe. Vous savez, cette petite règle en plastique qu'ont parfois les écoliers, dans laquelle sont découpées des lettres et des chiffres. Le corbeau a utilisé ce genre d'outil pour envoyer aux pêcheurs et aux plaisanciers les pires menaces, truffées de fautes d'orthographe. Du genre, telle femme va être tuée, telle autre va être violée et ses enfants enlevés, tel pêcheur verra son bateau couler ou sa maison incendiée. Et voilà les gendarmes de l'Esneva saisis d'une autre affaire, donc celle du corbeau de Kerlouan. Les 16 premières lettres sont envoyées à Paris pour une expertise ADN. Ces deux pêcheurs, dont le deuxième est Gildas Larsonneur, dévoilent à Thalassa le contenu de celles qu'ils ont reçues. Dans ma lettre, il était marqué « Ferdi, ton bateau sera coulé, il y aura le feu dans la SNSM et il y aura le feu chez toi. » Voilà. C'est un gars qui est complètement déboussolé, ça c'est clair. Le corbeau, il nous a envoyé une lettre au début juillet, là. Et bon, ben là, celui-là, lui, il va pas dans la dentelle. Le corbeau, lui, c'est tuer ma femme, couler mon bateau à Plougastel, incendier ma maison. Alors lui, il va pas dans la dentelle. L'enquête sur le renard piétine, peut-être que celle sur le corbeau apportera à la gendarmerie de nouveaux éléments. Tiens. Le corbeau et le renard ne seraient-ils pas la même personne? Les habitants de Kerlouan sont évidemment persuadés de savoir qui se cache derrière ce nouvel animal. Le corbeau, pour eux, c'est encore une fois Jobsalou, aidé par son épouse. D'autant que le couple n'a pas reçu de lettre de menace, idéal pour être suspecté. Mais Jobsalou nie toute implication, au micro toujours du vif du sujet. Je suis ni renard ni corbeau, je suis droit. Bon, ben je ne vois pas ces gens-là, bon, ils me jalousent et ils sont en train de me faire du mal, en train de semer des rumeurs, chose que je ne mange pas de ce pain-là, mais ça ne se passe que dans un petit rayon de rien du tout, ça se passe autour du bistrot toujours. Hein. Tous les soulards qui sont là-dedans, hein, et qui boivent tous les jours, et qui continuent, et qui m'agressent. Ils font des conférences, là, à mon sujet. Et tous les jours, je viens sur le tapis. Tous les jours, je suis diffamé. Le dossier du corbeau de Kerlouan fait 20 cm d'épaisseur. C'est le fruit de 9 ans d'enquête menée par la gendarmerie de l'Esneva. En 2004, les gendarmes entrent dans le bureau d'Elisabeth Salou et découvre un objet intéressant, un normographe. Elisabeth est mise en examen. Et deux autres vagues de lettres anonymes suivent, en 2006 puis en 2008. Elle s'adresse aux mêmes personnes, toujours avec un normographe, toujours avec des fautes d'orthographe. Mais en avril 2011, 7 ans plus tard, Elisabeth Salou est blanchie. L'expertise a parlé. L'ADN retrouvé sur les lettres appartient à une seule et même personne, un homme qui n'est même pas Jobsalou. Le dernier des pagans n'est donc ni un corbeau, ni un saboteur. Reste à savoir, car finalement l'énigme n'est pas tout à fait résolue, si le vieux loup-mère n'était en fait qu'un renard. France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le renard de Kerlouan. Étrange affaire dont nous allons parler avec notre invité Jean Fayère. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en duplex de France Bleu Brésisel à Quimper, que nous remercions pour cet accueil. Alors je rappelle que vous êtes écrivain, célèbre en Bretagne. Vous publiez cette année aux éditions du Palémon le 60e tome des aventures de votre personnage fétiche, une détective du nom de Marie Lester, et qui enquête sur des affaires qui ont toujours la Bretagne pour décor. Vous avez publié également en février dernier le premier tome de vos mémoires, Mémoires d'un petit Quimpérois, toujours aux éditions du Palémon. Et vous êtes surtout l'auteur du roman Le Renard des Grèves, publié en deux tomes en 2003. Voilà, Le Renard des Grèves, votre roman se passe à Kerlouan. Bon, j'imagine que vous êtes rendu sur place pour vous imprégner de ce décor. En quoi le décor, même si on le sent bien à travers le récit, est un élément fondamental de cette histoire, presque un personnage? Ben oui, en fait, cette histoire du renard m'a été apportée par un de mes lecteurs de Haïti, oui, c'est pas à côté, et qui était missionnaire là-bas, et qui m'a dit, je m'appelle Robert, je me rappelle plus comment d'ailleurs, et je suis missionnaire en Haïti depuis 35 ans. Mais il me dit, tu devrais aller voir du côté de Kerlouan, parce que j'ai mon copain d'école, Job Salou, là, il a toujours fait des conneries, mais là, il continue. Alors, je suis allé voir, ben, d'abord, je connaissais Ménéam, hein, parce que c'est un site absolument extraordinaire, qui est très très beau. Et puis, j'ai regardé ce qui s'est passé, et comme j'ai fait d'habitude, je me suis fait, comme disait Simenon, comme une éponge, je me suis imprégné, et après, j'avais plus qu'à presser pour avoir les éléments. Voilà. Donc j'ai été dans les bistrots, ouais. J'ai été un petit peu partout, tendre mes longues oreilles, incognito bien entendu, hein. Et puis j'ai écrit ce bouquin à la suite, voilà. Alors vous dites que c'est un très bel endroit, ce qui n'est pas original, parce que c'est le cas dans toute la Bretagne, il n'y a vraiment rien à acheter. Ouais. Kerlouan, c'est le Finistère Nord, vous êtes donc de Quimper du Finistère Sud. Racontez-nous, au-delà de la beauté du paysage, ce que représente en Bretagne cet endroit qu'on appelle la Côte des Légendes. À la Côte des Légendes, c'est quelque chose de mystérieux. Il vit là-bas depuis le peuple des Pagandes, comme vous dites, parce que la Côte des Légendes est bizarre. Il y a une sorte de dichotomie entre l'intérieur des terres et l'extérieur. À l'intérieur des terres, c'est-à-dire à 500 mètres d'où habite Job Salou, Il y a des cultivateurs qui font le chou-fleur, le tout ça, bon, qui sont très très, enfin aisés tout au moins, à côté des pêcheurs qui étaient des misérables évidemment. Donc il y a deux populations qui se côtoient et qui se parlent pas trop, qui se jalousent. Voilà, il y a toutes sortes de petites chicayas intestines comme ça. Alors, Job Salou, décédé en 2020, je crois, était considéré comme le dernier des pagans. Avec sa mort, ce peuple a-t-il disparu définitivement ? Je pense, oui. Je pense que Job, il a cultivé le genre. C'était, comme me disait son condisciple, hein, c'était lui, il voulait toujours être au milieu de la photo. c'est vrai qu'il cultivait le genre. C'est un beau mec, hein. C'était un type impressionnant, hein, quand il regardait de toute sa hauteur avec ses yeux bleus, là. Ouh là là, c'était impressionnant. Et, les touristes allaient le voir, et puis, il jouait son rôle, quoi. C'était le vrai pagan. Et leur réputation de pilleur d'épaves, c'est une légende aussi, ou c'est vrai ? Non, mais ça c'est mais avant, vrai, évidemment. Oui, mais c'est vrai surtout de la côte, hein. Vous savez, moi je suis du pays Vigoudin, du côté de la Torche, si vous connaissez un petit peu, oui, où il y a eu pas mal de naufrages et où quand un bateau était en perdition, il criait « Aubry, Aubry », c'est-à-dire « le bateau va se briser ». Et alors tout le monde se précipitait en général, c'était du vin qui venait de Bordeaux qui transitait, alors il se saoulait abominablement sur la plage. Mais c'était vrai surtout le littoral. Une chose dont on a beaucoup parlé, parce que ça fait folklorique quand même, c'est les lanternes sur les cornes des vaches. Alors ça, j'ai parlé avec des vieux, ils m'ont dit, c'est des conneries, on n'a jamais fait des trucs comme ça. Quand le bateau coulait, on tâchait de sauver les hommes, et puis le reste, c'était pour nous, quoi. Bon, bah tant pis pour le récit, parce qu'on l'a dit, c'était une connerie, c'est pas grave. Je crois que c'est excessif. Enfin, maintenant, bon. Je ne sais pas non plus. C'est pas l'essentiel. Sur la côte des Pagans, parce que c'était loin de chez moi, quand même. Puis c'est pas l'essentiel. Bon, on a vu qu'on appelait cet endroit la côte des légendes, on l'a dit. Mais à Kerlouan, il n'y a pas que des légendes. Après tout, les légendes ont du charme, hein. Conte des légendes, c'est bien. Mais il y a aussi des rumeurs qui ont beaucoup moins de charme. Et il y a un personnage qu'on a entendu dans le récit, qui se fait l'écho de plusieurs de ces rumeurs, que tu le développais l'une de ses théories. Selon lui, il n'y aurait pas qu'un seul renard. Il y a un renard et deux équipes de renardos. Quels sont les mobiles de tous ces renardos, alors ? Le mobile de ces renardos, je pense que d'abord, il y a eu un renard, par méchanceté, par jalousie, qui a commencé à saboter un bateau par ici, un autre par là. Et puis, au fil des années, parce que depuis 40 ans... ça fait quand même long. Au fil des années, bon, il y a des renardos qui ont soupçonné telle ou telle personne, et je pense qu'ils ont voulu se venger également. Alors, on arrive à l'heure d'aujourd'hui à une chaîne sans fin. Bon, alors on va entrer, Jean Fayère, dans l'enquête. Un renard et des renardos, vous croyez cette hypothèse ? Oh, il y a eu plusieurs, c'est une œuvre collective, ça, vous savez, ça n'a pas été le fait d'un seul bonhomme, hein, c'est sûr, c'est sûr. Alors moi, je vois ça différemment, enfin pas différemment, mais vous savez, quand j'étais gamin, il y avait sur une côte, comme dans les ports autour de chez nous, il y avait 800 bateaux de pêche, et puis il y avait 8 bateaux de plaisance. Et maintenant, il y a 8000 bateaux de plaisance, et il y a 8 bateaux de pêche. Alors, tous ces gens qui sont plaisanciers, mettre deux casiers, un filet, tout ça, bon, ils ont droit à chacun de 20 mètres de filet à deux casiers. Mais les derniers marins qui restent n'apprécient pas trop ça, quoi. Alors, Job Salou a peut-être commencé la danse, et puis après ça s'est enchaîné, quoi. Parce que tu m'as coulé mon bateau, ben moi je vais couper tes casiers. Voilà. Bon, c'est comme ça que ça a dû se passer. Et puis il y a un autre aspect du problème dont on n'a pas parlé. La plupart des marins qui sont ouvriers du port, comme on dit à Brest, c'est-à-dire les margats, les gars qui font accoster les bateaux, qui font les manœuvres de port et tout ça, sont des gens de Kerlouan. Et ces gens-là sont tous des types, des vrais marins. Qui ont été nageurs de combat, qui ont fait ci, qui ont fait ça, et qui, quand ils viennent à la retraite à 45 ans, ils sont encore très costauds, et ils continuent à faire la pêche. Et puis, comme on a parlé des fameux ormeaux et des coquilles Saint-Jacques, parce qu'il y a des coquilles Saint-Jacques aussi. Oui. Moi, je sais que j'ai des types qui m'ont parlé. Ils m'ont dit, ben, nous, on sera pas baisés par la gendarmerie maritime, parce que bon, on part avec des bouteilles, on va sur le site, on prend tout ce qu'on veut, on les décoquille au fond, on met ça dans des sacs et on laisse flotter une bouée. Et puis on rentre au port. Et puis les gendarmes, ben, ils regardent, ben non, il y a rien, quoi. Et après, on va récupérer la substantifique moelle, si on veut. C'est donc la noix de coquille Saint-Jacques et le corps de l'ormeau. Et après, ces choses-là, ces denrées-là, qui sont précieuses, qui sont très, très appréciées, justement, ben, sont vendues sous le manteau, plus ou moins, à droite, à gauche, et puis à tout le monde en profite, quoi. Et ça continue, ça? On parle présent, là. Moi, je sais pas, j'ai pas de preuves, hein, de ça, mais des marins m'ont dit, bah ouais, il y avait un endroit où on pêchait des coquilles en pagaille, maintenant on pêche plus que des coquilles vides. Alors, il y a bien quelqu'un qui les a vidées. Hein. Très bien, on se retrouve dans 3 minutes, bien sûr, ne quittez pas, hein, surtout, oui. Après avoir écouté Vendredi sur mer, qui nous chante le lac. Sensible renard de Kerlouan, dont nous parlons avec notre invité Jean Fayer, écrivain breton. Alors finalement, dans cette affaire, Job Salou est peut-être plus victime que coupable. Qu'en pensez-vous? Oh, 50-50. Quelle réponse. Non, mais il n'est pas tout à fait innocent dans cette affaire-là, mais quand on a supporté le mépris d'une toute une population, c'est difficile de vivre dans ces conditions-là. Je trouve que là, ils ont été un peu vaches avec lui, quand même. Ils étaient très nombreux, il était tout seul. Donc, il a fait tête comme un vrai renard à l'entrée de son terrier, quoi. Voilà. Et pourquoi lui, on en a parlé un peu tout à l'heure, mais il avait quelque chose de différent qui gênait? C'est parce qu'il arrivait à pratiquer une pêche que les autres ne parvenaient pas à faire. Ouais, il y a un truc qui m'a un peu intrigué, c'est que vous avez dit qu'il savait pas nager, or il avait tout un équipement de plongeurs sous-marins. Oui, moi aussi ça m'a intrigué, ma femme. Donc voilà, c'était donc ça, il savait nager. Comment? Donc il savait nager. Ben, en principe, quand on va faire de la plongée sous-marine, on sait un peu nager, quoi. C'est bien ce que je pensais, mais on a eu des exemples, hein, de marins qui ne savent pas nager, donc bon. Enfin bref, lui savait. Ça s'est réglé. Oui, c'est ça. Alors il a été le vraisemblablement le premier à initier cette pêche en plongée sous-marine que d'autres ont suivi derrière, quoi. Et ce Gildas Larsonneur, qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Ah ben c'est un brave bonhomme, c'est un type sympa, mais c'est un colosse, un gars rude, mais franc du collier à mon avis. Voilà, il a été victime de cette affaire-là aussi, bien sûr. Alors je pense pas qu'il y ait eu de querelle entre Job et lui, enfin... Il n'est pas parti à cause d'une querelle, disons. Il est parti parce qu'un jour, ben, comme tout apprenti qui a acquis les maîtrises du métier, il a voulu voler de ses propres ailes, quoi. Voilà. Et ça, Job l'a pas accepté. Il a estimé être trahi par Gilda, quoi. Donc on pourrait penser que dans cette affaire, cette affaire a été lancée par l'un des deux, mais encore une fois, sans accuser personne. Mais c'est une hypothèse. Si c'est pas l'un des deux, qui ça peut être? Ah. Il y a beaucoup de monde sur la côte, vous savez. C'est vrai. Bon. Il y a beaucoup de monde sur la côte. Je saurais pas le dire, mais faut être un peu vigilard pour aller faire des trucs comme ça. Quand même, faut pas. Je trouve qu'il faut pas être net, quoi. J'ai suivi incognito, bien entendu, des conversations de bistrot là où tous ces gars-là se réunissaient. Hein. Mmh. Ah, c'était pas détendre. Hein. Ouh là là, c'était des menaces de mort. Carrément, quoi. Ça, c'est vrai que. Et alors, le compteur c'est vous qui avez compté ça. Vous avez fait remarquablement parce que vous avez fait sortir cette atmosphère de mystère et d'angoisse qui plane sur cette côte là la nuit. Alors maintenant, je ne suis pas allé depuis une vingtaine d'années. Je sais pas comment c'est maintenant, mais à l'époque, c'était vrai que c'était inquiétant. Quoi. On avait un peu les jetons quand on était comme ça. Il suffit de tenter l'expérience dans ces paysages maritimes tourmentés en hiver la nuit. Effectivement, il y a quelque chose d'impressionnant. Oui, on a peut-être aussi peur de nos propres fantasmes aussi. Hein. Oui, mais c'est aussi des lieux où il y a eu des drames, où il y a eu des trucs. Je sais pas si les vieilles pierres gardent la mémoire de ces choses-là, mais c'est pas impossible. Concernant votre livre, Le Renard des Grèves, donc paru en 2003, en deux tomes, aux éditions du Palémont, je crois que c'est un souvenir un peu amer pour vous, parce qu'il vous a valu des années de procédures. Quelles étaient les procédures et pourquoi? Alors, Madame Salou avait estimé que je l'avais traité de putain, voilà. Bon. Ah, d'accord. Or, c'était dans une scène de bistrot que j'ai rapportée, où Marie Lester arrive dans le bistrot en question, et il y a un des marins qui dit « Qu'est-ce qu'elle vient foutre ici, cette pute ?» Et donc, elle a pris... Enfin, faut dire que Madame Salou était coutumière du fait que dès qu'on prononçait son nom, elle faisait un procès. Et puis, en général, elle est gagnée. Donc, c'était assez étrange, mais enfin, c'était comme ça. Moi, je l'ai présenté dans le bouquin... Enfin, je l'ai présenté là où elle s'est reconnue. C'était quelqu'un de... Je l'ai présenté d'un côté sympathique, agréable, voilà. Et je suis tombé de ma chaise quand j'ai été convoqué au tribunal, quoi, parce que j'avais pas le sentiment de lui avoir fait le moindre tort. Donc j'ai eu un procès et puis elle m'a quand même soutiré 10 000 euros de droits et intérêts. Bon, c'est pas agréable, et puis c'est pas agréable d'être traîné devant un tribunal quand on prétend être un honnête homme, et ça m'a marqué. Cependant, ça m'a rendu un peu service, parce que du jour où on a dit qu'il y avait un procès, tous les bouquins se sont arrachés. Ah bah oui, c'est sûr. J'ai eu une page dans François, une page dans Le Monde, j'ai eu le Nouvel Obs, j'ai eu tout le monde, que personne, j'ai eu une publicité que j'aurais été incapable de payer par ailleurs, quoi. Bien. Ce jour-là, j'ai triplé mes ventes, quoi. D'accord. Et ça a continué. Voilà. Eh ben, ce sera le mot de la fin. J'en vais dire sur ce satisfait site financier et littéraire. Merci. Au revoir. Au revoir. Et Affaires Sensibles aujourd'hui, Le Renard de Kerlouan, en émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. Merci à Nicolas Delmas, qui était à la technique aujourd'hui.